Chapitre 12e. Kremlin, palais des Thérèmes, siège de la présidence, 4 janvier. Situé dans l'enceinte du Kremlin, le palais des Thérèmes, à l'origine le logement du tsar et de ses héritiers, était devenu la résidence du président de la Fédération de Russie. Inspiré de la traditionnelle isba russe, ce bâtiment impérial s'avérait un véritable chef-d'œuvre d'architecture par ses tons rouges, blancs et verts. La brique avait remplacé le bois. Le splendide édifice illuminait le ciel des mille feux de ses coupoles chamarrées, ornées de faïences polychromes et de croix dorées. Au troisième étage, face à la Moscova, les appartements du monarque étaient devenus ceux du chef de l'État. À plusieurs reprises, Koslov avait eu rendez-vous dans le bureau contigu à la chambre de Vladimir Popov. C'était ici que le président feuilletait, des potrominets, les journaux que son service de presse lui déposait sur la petite table prévue à cet effet, et organisait les petits déjeuners de travail. C'est là que Popov reprit le recrutement des Volkodlak, interrompu la veille par l'attentat islamiste. Il se répandit en imprécations et en jurons, en s'approchant de la table, située à l'extrémité du bureau où étaient installés Koslov, le premier ministre Kozakov et le chroniqueur Kikov. C'était sa façon à lui de manifester son ras-le-bol. Les Tokaristanais avaient dépassé les bornes. En s'asseyant, sa décision était prise. Fini de plaisanter. Cette chienlit ne pouvait plus durer. « Le chef d'état-major envisage une riposte le 1er mars, » lança-t-il. « Il me prépare un plan de guerre. » S'adressant à Koslov, il précisa. « La première mission de tes Volkodlak serait d'aller tailler en pièces ces foutus terroristes et leur faire bouffer leur semtex jusqu'au dernier pain. » Comme la veille, la vapeur fumante qui s'échappait de la théière avait une odeur familière pour Koslov. C'était un subtil mélange de cannelle, d'épices et de vanille, agrémentant divinement un Earl Grey aux agrumes. Il s'agissait du produit phare de la maison Kousmi, un éventail de thé et de senteurs qui avait été composé en 1888 et nommé Prince Vladimir, en hommage à Vladimir le Grand, fondateur de la Sainte-Russie. Koslov ne put réprimer un sourire. Aucun autre thé n'aurait pu être mieux adapté à la table du tsar moderne, Vladimir Popov. Nul doute que Pavel Mikhailovitch Kouzmitchov, le petit paysan parvenu, qui avait bâti une entreprise florissante et dont la famille avait dû quitter Saint-Pétersbourg pour Paris et Londres après la Révolution rouge, serait fier que son thé fût désormais servi dans le sein des saints du Kremlin, à toute heure du jour et de la nuit. Koslov acquiesça de la tête et en vint au troisième volet de son projet, la perfection. « C'est ce que vous léguerez aux générations futures, » dit-il. « Une grande nation se doit de bâtir. Quel sera votre Kremlin, votre Saint-Pétersbourg, votre Transsibérien ? Il nous faut un architecte qui puisse édifier un monument, un quartier ou une ville. Nous sommes d'accord avec ta proposition de retenir Arkady Petrovitch Makovozov, s'écria Popov. Cet architecte est un génie. Eu égard au souhait du président d'en finir au plus vite avec ce recrutement, Koslov se contenta de préciser. Il vient d'achever une tour monumentale aux Émirats arabes unis. Il est de retour à Moscou où il gère toute la réfection des sept sœurs. Il est lauréat du prix Pritzker. Une autre récompense en architecture. On ne peut pas espérer mieux. Voyant que cette nomination suscitait l'assentiment de Popov et de Kozakov, il continua à dérouler la logique de son rapport en finissant par la culture. « Nous sommes l'une des premières nations artistiques de la planète, » dit Koslov. « Nous avons des écrivains, des poètes, des artistes, des musiciens, que le monde entier nous envie. Plus que jamais dans un univers menacé par la culture américaine, les Russes doivent défendre leur identité culturelle et la promouvoir. » Le président Popov réagit vivement. « Pour ton idée d'intégrer un cultureux, c'est niet. La culture russe ne doit pas être l'enjeu majeur pour ton groupe. Plus que jamais, les petits Russes doivent devenir des patriotes. Les pharaons avaient des scribes. Trouve-moi un historien qui soit capable de nous produire une belle épopée nationale. » « La France est une personne, » a écrit Michelet. « Il présente son pays comme une entité morale. » Une conscience collective qui donne une âme au territoire. Il ne réduit pas l'histoire au passé. Il en fait un antidote quand la nation a tendance à s'oublier elle-même, à renoncer. Je veux quelqu'un qui parle de la Russie en ces termes. Jamais de manière défensive ou flagellatoire, mais toujours positivement. Il doit pouvoir mettre le peuple russe face à ses responsabilités ou à ses moments d'égarement. Si un Français, à partir de six lignes extraites de la guerre des Gaules de César, a réussi à exhumer Vercingétorix, un roitelet arverne, pour en faire un symbole de fierté et de résistance à l'occupant, j'imagine que des dizaines de figures mythiques peuvent être trouvées dans les interstices de l'histoire du peuple russe. L'âme slave doit réunir tous les Russes, même au-delà des frontières de notre pays. Elle doit contribuer à faire vivre dans le cœur de chaque Russe expatrié la nostalgie de la Russie éternelle. Le ton courtois et posé du début de l'entretien avait fait place à une force combinatoire hors du commun. D'intenses vibrations ainsi qu'un halo de puissance semblaient alors émaner de Popov et irradier toute la pièce. Quand il était ainsi, personne ne pouvait ou même n'osait l'affronter verbalement. « Président, murmura Koslov, pour répondre à votre attente, faisons appel à votre historiographe Mikhail Fiodorovitch Lyapunov, qui s'est troussé des textes mêlant psychologie, morale et philosophie. » Acquiesçant à la proposition de Koslov, le président ajouta « Tout le monde sait l'importance que j'attache à l'image que je laisserai. Pour parler de mon mandat, il me faut l'histoire, pour l'ensemble. Ce sera la tâche de l'historiographe Lyapunov. Mais il me faut aussi la légende, pour le détail. Je désire donc un chroniqueur, un biographe, un expert en communication. Pour ce travail de propagande de mon action, j'ai songé à... » Koslov le coupa, en s'excusant de son audace. « Vous avez songé à Léonid Sergueïevitch Kikov ?» Heureux, mais pas surpris d'entendre son nom, le lauréat s'arrêta aussitôt de noter. Ce natif de Lensk, dans le district extrême-oriental, avait le morphotype des Sibériens du Nord. Mesurant 1,65 m environ, la jambe gauche atrophiée suite à une poliomyélite contractée en bas âge, il était la discrétion même. Niché sous de jolies boucles brunes, ses yeux marrons perçants, de part et d'autre d'un nez aquilin, lui composaient un profil d'oiseau de proie de haut vol. Le visage imberbe, la lèvre supérieure à peine ombrée, le menton carré, bien que fluet et de complexion valétudinaire, Kikov avait très tôt appris à contrebalancer une fragilité physique par une vive intelligence et une capacité de travail hors du commun. Son attachement sans faille au président Popov lui avait valu des sobriquets de la part des adversaires du maître du Kremlin. Le Goebbels de la toundra, le Talleyrand russe, le mini Machiavel. Chacune de ces avanies glissait sur Kikov comme l'eau sur les plumes d'un canard boiteux. À chaque fois qu'on lui rapportait l'un de ces qualificatifs blessants, loin de se mettre en colère, il souriait. « Peu importe que l'on dise du bien ou du mal de moi, l'essentiel est qu'on parle de moi. La force de la propagande tient à cela. » « En effet, confirma le président Popov, je désire que l'on ménage une place à Léonid Kikov dans la compagnie des Volkodlak. » Après avoir évoqué les quatre grands principes de l'action, Koslov en vint à préciser l'esprit dans lequel il voyait agir le groupe. Sa philosophie était plus proche du cercle de la table ronde d'Arthur que de la verticale du pouvoir centralisé de Popov. « Camarade, dit le président, j'ai apprécié que tu ne restes pas dans le vague. À présent que nous avons recruté les 9 gardiens des principes, j'aimerais avoir tes préconisations pour les 3 derniers postes à pourvoir. Le mode de fonctionnement exige que nous recrutions des agents en profils différents mais complémentaires. Il faudra un économiste, car plus rien ne peut se penser de grand sans un expert en flux financiers et commerciaux. Il sera la boussole de la compagnie, celui qui rend intelligibles les règles du jeu en vigueur dans le monde. Ensuite, nous devrons lui adjoindre un théoricien et un maître saucié. Dans son rapport initial, Koslov avait écrit un idéologue et un tacticien. Le changement sémantique n'échappa nullement à Kozakov qui lui demanda « Dans votre compte-rendu, vous avez employé 2 autres mots. Pourquoi cette évolution ?» Sans se départir de son sourire et fier que le Premier ministre connaisse aussi bien ses propositions, Koslov répondit « À bien y réfléchir, un idéologue est quelqu'un qui pense être porteur et gardien d'une théorie révélée. Le théoricien ajuste l'idéologie au réel. Lénine était théoricien. Marx était idéologue. Il n'aurait jamais envisagé la Novaya Ekonomichetskaya Politika, la NEP, la NEP. En l'instaurant, Lénine avait décidé de redynamiser un pays qui, en 1921, sortait exsangue de la Première Guerre mondiale. La Russie, qui venait d'affronter un conflit, une révolution, une lutte civile et une famine, était en plein délabrement. Pour permettre à l'État bolchevique de s'en sortir, Lénine conçut un repli stratégique à la politique de collectivisation. Il décréta une pause dans la construction du socialisme. Popov et Kozakov, qui avaient ces références en tête, furent satisfaits de cette modification terminologique. Cela convenait au président, parce que le seul idéologue de la Russie ne pouvait être que lui. Le Premier ministre était satisfait car, en principe, il se défiait de toute idéologie susceptible d'être intégrée ou transformée en système. Dimitri Kozakov demande alors à Alexandre Koslov « Pourquoi un maître saucier plutôt qu'un tacticien ?» Là encore, flatté que le Premier ministre marque un tel intérêt pour des questions de vocabulaire, Koslov s'empressa de s'expliquer. Dans une brigade de cuisine, le maître saucier a la tâche délicate de donner la touche à un plat imaginé par le chef. De la même manière, celui qui coordonnera les activités des Volkodlak s'évertuera à donner l'impulsion à des actions décidées par le président et lui seul. Pour les 9 postes pourvus, c'est-à-dire pour les gardiens des principes, Koslov avait émis des avis en tenant compte de l'inventaire fourni par le Premier ministre. Il devait maintenant émettre des propositions sur les 3 garants de l'action pour le mode de fonctionnement de la compagnie. Roman Abramovitch Zidov est l'économiste que vous avez choisi, enchaîna le Premier ministre. C'est une pointure. Il est en passe d'obtenir le prix Nobel. Koslov acquiesça et lui indiqua que Zidov était justement à Moscou pour la promotion d'un livre, Le goudron et les plumes, écrit en collaboration avec Viktor Ilitch Leonov. Je le sais, rétorqua Kozakov. J'ai lu l'entretien qu'ils ont donné dans une revue sur leur ouvrage. Kozakov ne put s'empêcher de faire part de son inquiétude à Koslov. Croyez-vous que Zidov acceptera? Il est juif. Sa famille a fait son alia en Israël. Il vit aux États-Unis. Compliqué, non? Voyant que le président Popov émettait le même doute que son premier ministre, Koslov expliqua. Si nous avons Viktor Ilitch Leonov comme théoricien, nous aurons comme économiste Roman Abramovitch Zidov. Ils sont très liés par leurs nouvelles recherches, espace économique et politique de demain. Popov interrompit Koslov. J'ai lu une contribution richement documentée de Viktor Leonov sur ce sujet. Il passe les États et leur gouvernance à la loupe. Il observe le passé et le présent pour voir vers quoi tend le futur espace économique et politique. Président, rétorqua Koslov, vous faites là référence à un article s'inscrivant dans la série de conférences de la 2e saison des universités ouvertes de Paris-Dauphine, l'État dans tous ses États. L'auditeur qui veut prendre connaissance de cette communication dont Viktor Ilitch Leonov a laissé la trace au brouillon, qu'il consulte les archives du Kremlin en annexe au document G. Le président acquiesça et s'autorisa un commentaire. Ce cours de géopolitique comparée est une approche intéressante de la question européenne. Il ouvre des perspectives fondées sur le sens de l'histoire. Il s'empressa aussitôt d'ajouter. Es-tu un familier de Viktor Ilitch Leonov? Pour pouvoir le convaincre de te suivre avec Roman Abramovitch Zidov dans une pareille aventure? Pour toute réponse, Koslov esquissa un sourire et dit « Président, je vous demande de me faire confiance. J'ai tissé avec Leonov de solides liens d'amitié. C'est un habitué de mes réceptions quand j'étais en poste boulevard Lannes. Et puis, le projet des Volkodlak m'est en partie venu en écoutant et en échangeant avec lui. Si vous me donnez les moyens d'aller à Paris où il est maître de conférence à Dauphine en géostratégie, je me fais fort de vous le ramener à Moscou. » Comme Zidov sera mi-janvier dans la capitale, j'irai le rencontrer avec Leonov. Le Premier ministre considéra comme réglés les choix du théoricien et de l'économiste. Il nota donc leur patronyme sur son carnet. Il restait à pointer le nom du tacticien, celui que Koslov qualifiait de maître saucier. Le Premier ministre, jetant un regard sur ses notes, « Je crois que vous vouliez Fyodor Ivanovitch Kinsky. » Koslov, avec assurance, « Oui, je l'ai vu à l'œuvre à l'ONU. » Quand il travaillait auprès de notre délégué permanent au Conseil de sécurité, il est habile. Grâce à cette expérience, il acquit une vision globale du monde et possède une analyse psychologique fine de la plupart de ses dirigeants. Le Premier ministre, finissant d'écrire, « Cela ne va pas être possible. Kinsky et son père vont tomber pour fraude fiscale, détournement de fonds et intelligence avec une puissance étrangère. Ils se sont emparés au temps de Boris Lemakin d'un conglomérat minier en Yakoutie à la faveur de privatisation. De plus, voilà à présent qu'on les suspecte de malversation dans l'affaire des diamants de Namibie. » Le président, avec gravité. « En effet, de nouveaux témoignages attestent qu'il serait aussi impliqué dans la transaction des navires de guerre qui vont à Vikachev et son neveu Anatoly Zubov avait traité avec la Namibie pour la protection des réserves halieutiques de la côte ouest du pays. » Koslov, la voix tremblante. Je sais que ce scandale de corruption a coûté son siège de ministre des Affaires étrangères à Vikachev, qui est actuellement ambassadeur à Canberra. Quant à Zubov, son responsable du département de coopération économique, il est incarcéré à la prison de Matroskaya Tichina. Le Premier ministre. Maintenant c'est au tour des Kinsky père et fils. Bref, vous avez compris. La lieutenant-colonel Pavlova nous apprend qu'ils vont être bientôt arrêtés. Kozlov, la mine déconfite. Exit Kinski. Je ne m'y attendais pas. Le président, le ton persifleur. Mais Dimitri te propose un autre candidat. C'est un libéral comme lui. Le prince Pierre Arsenievitch Sernine. Kozlov, surpris. Un prince, il en reste. Le président, posément. Un descendant de décabristes, qui, depuis que c'est à la mode, a fait relever le titre d'un de ses lointains ancêtres par je ne sais quel collège d'héraldique écossais. Ce prince d'opérette est le poulain de mon cher Premier ministre. Je ne dis pas non. Il faut que tu rencontres ce prince, pour voir s'il répond au moins à ce que tu attends d'un maître saucier. Le Premier ministre, enthousiaste. Vous ne perdrez pas au change. L'intelligence de Sernine lui fait pénétrer tous les contours d'une question et l'exposition des faits a dans sa bouche une limpidité admirable. Il a un don pour analyser les forces et les faiblesses de ses adversaires. Il sait aussi les enjoler, le cas échéant, et faire poindre sur leurs lèvres le sourire de l'amour-propre satisfait. Le président, le ton très enjoué. Polikarpov, son patron à New York, le surnommait la sirène. Alors gare à toi, Sacha. Arrivé à la porte de son bureau, Popov s'arrêta net. Il revint sur ses pas comme s'il avait oublié quelque chose. Il se rendit à son écritoire, souleva le sous-main, en tira une feuille qu'il signa d'un geste ample et délié. Il s'approcha de Kozlov et lui tendit le document en tête de la présidence de Russie. « Mon cher Alexandre Konstantinovitch Kozlov, dit-il avec cérémonie, en ma qualité de président de la Fédération de Russie et en accord avec le Premier ministre, j'ai l'honneur, par le présent décret, de vous nommer vice-premier ministre. » Face à un Kozlov sonné, qu'il gratifia d'une accolade, Popov ajouta « Officiellement, tu seras en charge de la prospective et des grands chantiers nationaux. Officieusement, tu auras pour mission de mettre en place les Volkodlaks. Pour les éléments techniques et les détails, tu verras cela avec Dimitri. Je dois vous laisser. Dès que mon emploi du temps va me le permettre, je te verrai à Sotchi, dans ma résidence présidentielle. Nous ferons le point sur les 12 recrutés. Dis à chacun de garder le secret jusqu'à sa nomination officielle. Il lui est interdit d'en parler à ses proches ou ses amis, ni même à sa famille, sauf, bien sûr, si tu le juges nécessaire. Dans ton rapport, il y est souvent fait référence à Léonov. J'aimerais bien que tu me le présentes lors de notre rencontre à Sotchi. » Kozakov et Kozlov se congratulèrent. Lorsque le nouveau vice-premier ministre sortit du bureau présidentiel, le grand et musculeux Kuznetsov l'attendait. Le chef d'état-major adjoint ignorait encore que pour les Volkodlaks, il serait chargé d'assurer la liaison avec le KGB et les agences de renseignement. « Je dois t'emmener en voiture jusqu'à ton appartement dans le Kotelniki, sur ordre du président, » précisa le lieutenant-colonel. « Nous sommes attendus par nos épouses respectives. »« Parfait !» s'exclama Kozlov. Kuznetsov s'empressa d'ajouter « Demain, tu disposeras d'une voiture et d'un chauffeur, comme à l'époque où tu étais ambassadeur à Paris. » Dans le véhicule qui le ramenait près des siens, Kozlov fit le bilan. Il s'en voulait de son manque de perspicacité. Il n'avait pas vu venir sa destitution d'ambassadeur, orchestrée par Popov et finalisée par Nadia, comme il n'avait pas pressenti sa nomination au poste de vice-premier ministre. Pas fort pour quelqu'un dont la mission est d'anticiper. Pour se consoler, il se disait que Vladimir Vladimirovitch Popov était le champion toute catégorie du coup fourré. Kozlov soupçonnait que la haine qui occupait son esprit, depuis quelques jours, à l'encontre des terroristes de l'islamisme radical, venait d'un plan d'intoxication mis en place par Popov. Première coïncidence, l'avion avait effectué un crochet qui avait amené Kozlov à survoler Arsikouchi, lieu où Fatia Yazorouba possédait une vaste propriété qu'elle avait aménagée en pension. Deuxième coïncidence, la ministre de la Culture avait fait opportunément tomber, en présence de Kozlov, un dossier sur les veuves noires. Troisième coïncidence, lorsqu'avait été retenu Jafar Akhamov comme chambellan des Volkodlaks, le président Popov brandit à Kozlov un message dans lequel était annoncée la mort du porte-parole du califat islamique. Ce faisceau de circonstances horrifia Kozlov. Ses découvertes le conforta sur l'efficacité des méthodes de suggestion dans le management d'un groupe. Il prit conscience qu'ayant été soumis à bourrage de crâne, il avait accueilli comme une évidence l'ordre de Popov. « La première mission de tes Volkodlaks sera de me débarrasser de ces satanés terroristes et de leur faire avaler leurs explosifs jusqu'au dernier pain. » Néanmoins, il se réjouit à l'idée qu'il allait fêter sa promotion avec une bonne bouteille de Kidzin Maroli. Ce vin géorgien, qui venait de Tbilissi, apporté par l'attentionné oncle Kolia, était le préféré de Svetlana depuis ses années d'étudiante. Alexandre Kosloff monta très vite avec Ivan Kouznetsov, son gendre, retrouver sa femme et sa fille. Il désirait leur consacrer la soirée. Que de choses il avait à leur raconter !